Chapitre 27, Vie latine des brigands. Pendant quelques jours, Henri resta confiné dans sa cellule, sans voir d'autre visage humain que celui du brigand, toujours le même, qui lui servait sa nourriture. Cet individu d'un caractère morose était aussi muet qu'un automate. Deux fois par jour, il apportait un bol de pesta, sorte de potage au macaroni, bouilli avec du lard et assaisonné de sel et de poivre. Il posait le vase plein sur le plancher, ramassait le vase vide qui avait contenu la pitance de la veille et sortait sans prononcer une syllabe. Les différentes tentatives faites par le jeune Anglais pour l'amener à desserrer les lèvres furent accueillies avec une indifférence complète, ou repoussées brutalement. Henri se vit forcé d'y renoncer. Il mangeait sa pesta et buvait son eau pure, en silence. La nuit seulement, il jouissait dans sa cellule d'un peu de tranquillité. Tout le long du jour, le tapage du dehors se faisait suffisamment entendre, malgré l'étroitesse de sa fenêtre. Précisément, en face se trouvait le lieu du rendez-vous favori des brigands qui y passaient la plus grande partie de leur temps. Ce temps s'écoulait, au jeu et bien souvent en querelle. Une heure à peine s'écoulait sans qu'il s'élevât quelques discussions dégénérant en combat, soit singulier, soit général. On entendait alors s'élever la voix tenante du chef et des ordres péremptoires entremêlés de malédictions et de coups de bâton. Une fois un coup de pistolet retentit, suivi de gémissements. Le jeune Anglais supposa qu'un châtiment sommaire avait été infligé à quelques délinquants, d'autant plus que lorsque les gémissements cessèrent, il y eut un intervalle de ce calme solennel qui accompagne ordinairement la mort. Mais cette terrible impression durait peu. Les bandits reprenaient aussitôt leur jeu et leur cri de 5 à 5 à capot, vinti à vinti à crosse. Le délassement favori des paysans italiens, autant celui qu'ils désignaient sous le nom de crosse à capot et qui correspond à notre pile ou face. En se dressant sur ses pieds, le prisonnier pouvait suivre les péripéties du jeu. La table était simplement une excroissance de sol gazonné en face de la cellule. Les brigands se pressaient alentour, agenouillés ou accroupis. L'un d'eux tenait un vieux chapeau, dont la coiffe avait été enlevée, et dans lequel on avait déposé un certain nombre de pièces de monnaie, généralement trois. On agitait le chapeau et on le renversait sur le gazon, de façon qu'il couvrit les pièces. Les paris s'engageaient alors sur crosset ou capot, pile ou face. Et le chapeau une fois enlevé, on voyait quels étaient les gagnants et les perdants. Ce jeu constituait la principale source de distraction de la bande et lui aidait à mener une existence qui aurait dû paraître insupportable, même à de pareils brigands. Capot, accrosse, relevé par-ci, par-là d'une bonne querelle, la pasta, les confettis, les fromages de brebis, le résolio, sorte de festa où les vins et les mets circulent en abondance, des chansons grivoises, de temps à autre des danses s'entremêlées d'agaceries aux femmes qui, d'habitude, tiennent de fidèles compagnies à la bande. De longues heures d'indolence en plein soleil, telles sont les joies de la vie de bandit en Italie. Dans les expéditions en plaine, le brigand trouve des plaisirs d'une toute autre nature. La surprise, la capture, la fuite devant les soldats, parfois une escarmouche durant la retraite vers le repère des montagnes, sont les incidents qui agrémentent les razzias tentées par la bande. Ils sont suffisants pour chasser l'ennui. Celui-ci ne pèse sur le brigand que lorsque le butin, généralement sous forme de denaro di riscata, argent de rançon, également distribué entre tous, est devenu la proie de quelques-uns, grâce aux inévitables fluctuations du capot à crosse. C'est alors que le bandit commence à se fatiguer de son inaction et à forger les plans de nouvelles expéditions. Le sac de quelques riches villas, ou ce qui lui agrée bien mieux, l'arrestation de quelques galantes uomo, dont la rançon vient de remplir sa bourse, laquelle se videra de nouveau sur pile ou face. Le jeune Anglais eut ainsi l'occasion d'étudier sur le vif, sans être vu lui-même, l'existence de ces hommes en perpétuelle hostilité contre les lois. Entre eux et leur chef, il n'existait qu'une très légère distinction. Comme règle générale, le butin se partageait également. Il en était de même des chances du jeu. Corvino se mêlait sans façon à ses subordonnés, groupés autour de la table de gazon, et aventurait comme eux ses pezzos sur le capot ou la crosse. Et... son autorité n'était absolue que pour l'administration des châtiments. On ne contestait ni son poing ni son bâton, et on faisait bien car ce mode de punition eût été immédiatement converti en un coup de stylet ou le bal de pistolet. Sa dignité de chef pouvait provenir de ce fait qu'il était le premier organisateur de la bande, mais il ne la conservait que parce qu'il en était en même temps le plus intrépide et le plus sanguinaire. Un chef moins brave et moins cruel eût été bientôt déposé, comme il arrive fréquemment parmi les bandits. Une chose qui surprit profondément Henri, ce fut la vue des femmes, les banditas. Il y en avait une vingtaine dans la bande de Corvino. Henri les avait d'abord prises, grâce au défaut de barbe, pour de jeunes garçons, car leurs vêtements différaient peu de ceux des hommes. Comme ceci, elle portait la jaquette, le gilet et la culotte, et de plus qu'eux, une profusion d'ornements autour du cou et de bagues aux doigts. Quelques-unes étaient littéralement chargées de joyaux de toutes sortes, perles, turquoises, rubis, topazes, des diamants même scintillaient. Parmi les autres, dépouilles arrachées aux doigts délicats de plus d'une riche signorina. Leurs cheveux étaient coupés courts, comme ceux des hommes. Plusieurs d'entre elles portaient des carabines, toutes des poignards et des pistolets, de sorte qu'elles ne se distinguaient de leurs compagnons que par une certaine rondeur de forme, qui d'ailleurs n'était pas générale. Il ne leur était pas permis de se mêler au jeu, car elles ne participaient jamais au produit de la riscata. Mais elles prenaient part au danger des razzias et accompagnaient les hommes dans toutes les expéditions armées. Au retour et dans leur intérieur, elles troquaient la carabine pour l'aiguille. Mais il était fort rare qu'elles fussent appelées à se livrer aux soins du blanchissage. Cette occupation, considérée comme au-dessus de la dignité d'une bandita, était dévolue aux femmes des paysans affiliés à la bande, sans en faire partie intégrante, et auxquelles on a donné le nom de manutangoli, ou auxiliaire. Ces femmes retirent des travaux de la buanderie une rémunération extravagante, une chemise blanche coûtant aux bandits presque autant qu'une neuve. Aussi était-il rare qu'aucun individu de la bande de Corvino se décida à se livrer à cet immense voluptuaire. Les damarinos ou petits maîtres s'y astreignaient seuls, et encore n'était-ce qu'à l'occasion d'une festa. Toutes ces observations furent faites par le jeune Anglais, pendant les premiers jours de sa captivité. De la petite fenêtre de sa cellule, il assista à bien des scènes extraordinaires. Il en aurait pu voir davantage, si cette fenêtre avait été percée moins haut dans le mur. Mais forcé pour regarder de se tenir sur l'extrémité des orteils, il ne prenait cette position incommode que lorsqu'un fait d'un intérêt particulier l'arrachait à sa couche de feuilles de fougères.